Daniel Fievé. Mais pour commencer, on va être spectaculaire. Oui, on va parler d'une technologie nouvelle qui est vraiment étonnante parce qu'elle mélange le rêve, la réalité, la fiction. Ça s'appelle les images virtuelles. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit. Eh bien, en fait, il s'agit d'images qui n'ont aucune réalité. C'est-à-dire qu'elles sont complètement imaginées par les hommes qui les communiquent aux mémoires d'ordinateur. Alors je commence par me connecter sur la machine en accrochant une ceinture impressionnante qui permet de dire à l'ordinateur exactement où je me trouve. Ensuite, je vais mettre le casque. Alors, il est stéréophonique. J'ai donc une perception du son et du relief. Vous voyez, si je tourne la tête, je peux voir un paysage complètement virtuel. Alors, Patrick, robot Esther, oui. Si je peux me permettre. C'est très joli tout ça, ça amuse beaucoup les enfants, mais à quoi ça sert concrètement ? Voici comment le journaliste Patrick Esther, en 1991, dans le JT de France 2, présentait la réalité virtuelle et l'imposant dispositif technologique dont il fallait s'équiper pour y accéder. Bonjour Anatole Lécuyer. Bonjour. Alors vous êtes chercheur à l'INRIA de Rennes et vous venez de publier « Votre cerveau est un super-héros quand les nouvelles technologies révèlent nos capacités insoupçonnées ». Du chemin a été fait dans le domaine de la réalité virtuelle depuis 1991. Vous avez en tête ce à quoi ressemblait le dispositif avec lequel ce journaliste était en train de s'équiper en 1991. Oui, je me l'imagine assez bien. En fait, les dispositifs ont évolué technologiquement l'intérieur, mais souvent l'aspect extérieur c'est sensiblement le même, même si ça s'est considérablement réduit. Ouais, parce qu'à l'époque c'était quand même plus mastoc, hein, le gros casque, une ceinture, ça prenait de la place. Voilà, là c'est vraiment beaucoup plus miniaturisé, puis ça tient parfois dans un téléphone. Ouais. Par contre, les questions des journalistes n'ont pas complètement changé. Hein. Je vous voyais sourire quand ils demandent mais à quoi ça sert. C'est vrai que vous le dites dans votre ouvrage. On vous pose souvent cette question de à quoi ça sert tout ça ? Ouais, alors je dis souvent qu'on est des scientifiques, on n'est pas des devins, on n'a pas inventé la boule de cristal, on ne sait pas deviner l'avenir de ces technologies et puis à quoi elles vont servir dans 50 ans, mais on fait quand même l'effort, on essaie. Si maintenant j'essaye de répondre à cette question, ouais. Et je vais essayer d'y répondre aujourd'hui. J'espère quand même que vous allez faire l'effort de nourrir ma curiosité. Alors, vous gardez-vous un souvenir ému de votre première plongée dans la réalité virtuelle ? Nous sommes à la fin des années 90, hein, 99, 2000. Racontez cette expérience que vous racontez avec beaucoup d'émotion en fait dans votre ouvrage. Oui, c'est un moment très fort pour moi parce que c'est le moment où j'ai compris que vraiment il se passait quelque chose avec ces technologies-là, quelque chose dont j'avais entrevu les possibilités en regardant ce genre de reportage là que vous avez diffusé. Là, j'avais 18 ans quand il passait à la télévision, mais c'est le genre de choses que je pouvais regarder à cette époque. Et puis quelques années après, bon, j'ai démarré ma thèse sur ce sujet-là, mais j'ai vraiment pu expérimenter cette sensation très puissante d'immersion dans un autre univers virtuel. Fin des années 90, en Allemagne, j'étais parti avec ma directrice de thèse à l'époque pour visiter ce qui se faisait de mieux à l'époque dans le domaine, un laboratoire allemand situé à Bonn. Et là, donc, il y avait un système qui était quasi unique en Europe. C'est un système CAVE en anglais. Donc, c'était une sorte de cube, un espace cubique dans lequel on rentrait équipé de lunettes comme celles qu'on chausse au cinéma 3D. Chaque face du cube était composée d'écrans. Enfin, c'était des écrans stéréoscopiques comme au cinéma pour voir en relief. Et donc là, en l'occurrence, les côtés devant nous et puis le plancher aussi étaient en relief. Et donc, on était plongé à l'intérieur de l'image 3D. Et là, c'était un décor très sommaire, un peu comme ce qui était décrit dans le reportage, très pauvre graphiquement parce que les calculateurs de l'époque n'étaient pas capables d'afficher des choses très compliquées. Mais néanmoins, je naviguais dans une espèce de... Dans mon souvenir, c'est un peu confus, mais c'était une forêt virtuelle, une plaine virtuelle. Et puis, je vois des petites choses qui clignotent à l'horizon. Elles se rapprochent de moi, sont des papillons. Ils commencent à m'entourer, je regarde ces papillons, ils étaient très très simples aussi, mais je suis complètement envoûté par ces créatures. Ouais. Je les regarde pendant des minutes entières, en fait sans m'en rendre compte, parce qu'au bout de quelques temps on me dit « bah il faut sortir là, c'est le moment de passer à la suite ». Moi, je pensais être resté 30 secondes dans le cave et j'étais resté 5 ou 10 minutes. Ouais. Et ça, c'était vraiment une expérience qui m'a montré la puissance de cette immersion. Ce qui est surprenant quand on y pense, c'est que ce que l'on perçoit dans ces dispositifs est finalement moins riche que ce que l'on perçoit quand on est dans la réalité. Parce que là, en tout cas, l'expérience que vous décrivez, ce sont les yeux qui fonctionnent. Finalement, beaucoup des autres sens sont anesthésiés, ne sont pas sollicités. Et pourtant, vous gardez un souvenir intense de cette expérience qui est finalement plus pauvre qu'une expérience dans la réalité. Oui, c'est vrai, c'est un paradoxe assez étonnant, vous avez raison. quand on y réfléchit, et si on fait un petit peu attention, en fait, on regarde qu'on vit une expérience finalement aussi de privation sensorielle. C'est-à-dire que bien souvent, on a l'image, mais on n'a pas toujours le son, là, de temps en temps. Puis, il nous manque plein d'autres sensations qu'on a dans la vie de tous les jours, le toucher, l'olfaction, voire même les sensations gustatives. Si on dévore un morceau de gâteau virtuel, il va nous manquer beaucoup de choses. Donc, c'est mon travail et le travail de tous les collègues chez INRI à Rennes, là, où on travaille tous ensemble là-dessus pour essayer d'augmenter l'immersion et d'arriver à des sensations qui sont un petit peu plus complètes. Du coup, pour leurrer nos sens, pour nous donner l'illusion que nous ressentons des choses, il faut bien connaître biologiquement comment fonctionnent nos sens. Alors, l'un de vos sens de prédilection, c'est le toucher. Alors, c'est vrai que pour arriver à concevoir ces technologies immersives qui s'adressent à vos sens, puis derrière à votre cerveau et à votre interprétation de tout ça, de toutes ces stimulations sensorielles, il faut connaître un petit peu la perception. Alors je prétends pas être un physiologiste ou un psychologue, hein, mais je suis quelqu'un qui développe des technologies, mais il faut s'y intéresser. Mmh. Il existe des illusions du toucher comme il peut exister des illusions visuelles? Alors c'est vrai que j'ai découvert qu'il existait des illusions haptiques. Ouais. Haptique, c'est le sens optique. Du toucher, hein, pour voilà, le dire avec des mots compliqués. Voilà, c'est le mot un peu savant pour désigner et qualifier le sens du toucher. Donc ces illusions haptiques, on peut les révéler de manière assez simple. Donc vous pouvez les faire chez vous ou les tester chez vous, par exemple, avec cette illusion dite du thaler, qui était une vieille pièce de monnaie utilisée en Europe il y a pas mal de temps. Mais ça marche aussi avec des euros aujourd'hui. Hein. Il suffit de prendre deux pièces de 1 euro, d'en mettre une au frigo, de la ressortir quelques temps après, une fois qu'elle est bien froide. Vous sous-pesez les deux pièces de monnaie, une dans la main gauche, une dans la main droite, et puis vous allez peut-être vous rendre compte ou avoir l'impression qu'une des deux pièces est plus lourde que l'autre. Donc là, vous êtes victime d'une illusion haptique, l'illusion que la pièce la plus froide est plus lourde. En travaillant dans la réalité virtuelle, en fait, vous êtes une sorte d'illusionniste. Je suis d'accord avec vous. Devant l'ampleur de la tâche devant nous de réaliser des technologies qui vous font croire à une autre réalité, qui est en réalité finalement, enfin c'est tout simplement impossible de réaliser cela en l'état actuel de ces technologies. Il faut trouver des trucs, des astuces, et il faut jouer avec la perception, un petit peu à la manière d'un illusionniste ou d'un magicien. Alors par exemple, pour le toucher, comment on crée une illusion en réalité virtuelle? Alors là, c'est vraiment le tout début de ma thèse. En fait, ça me ramène 20 ans en arrière, là, quasiment, où effectivement, mon objectif, c'était de simuler des sensations, de toucher une image, par exemple, avec un curseur de souris. Donc vous passez votre curseur de souris sur une photographie, à l'écran, affichée sur un ordinateur, et vous voulez ressentir le relief de cette image. Comment faire avec une simple souris? Et le truc qu'on a inventé à l'époque, l'idée consistait à jouer avec le mouvement du curseur, à ralentir ou accélérer le curseur, de manière à vous faire ressentir les creux et les bosses de l'image. Donc par exemple, en ralentissant le curseur, vous allez avoir l'impression que ça monte, et en accélérant le curseur, vous allez avoir l'impression que ça descend. Comme si on peinait à monter sur une butte, puis ça glissait tout seul quand on redescend. Voilà, donc quand vous montez sur un caillou qui est affiché sur la photo, le curseur ralentit, puis dès que vous descendez, ça accélère. Et cette simple technique, très très simple, hein, de jouer avec la vitesse du curseur, on l'a ensuite baptisé le retour pseudo-haptique, ces illusions haptiques intégrées via la vision. C'est un terme qui est repris dans toute la communauté. Alors en réalité virtuelle, on peut aussi jouer avec nos sens de la vision, nous donner finalement des capacités que nous n'avons pas vraiment. Par exemple, c'est aussi une recherche que vous avez menée. Comment notre cerveau s'adapterait-il si nous avions une vision à 360 degrés, autrement dit si nous étions dotés du champ visuel d'une mouche? Voilà, c'était une idée un petit peu folle, comme il en vient des fois dans nos cerveaux de scientifiques, parfois endormis, parfois pas bien réveillés. Et là, en l'occurrence, c'était, tiens, qu'est-ce que ça ferait de voir comme une mouche, ou comme un lapin, comme une vache, comme ces animaux qui sont dotés d'une vision à presque 360 degrés. Donc on a créé ce prototype qu'on a appelé le FlyVis, la vision de la mouche en anglais, qui permet effectivement, chaussé d'un visio-casque, équipé d'une caméra 360 qui filme tout ce qui se passe autour de vous, et on l'affiche en temps réel tout de suite dans le visio-casque. En fait, vous voyez comme une carte postale panoramique en temps réel de votre environnement, et vous vous mettez à ne plus avoir besoin de tourner la tête pour regarder ce qui se passe dans votre dos. Ce qui est absolument incroyable dans cette expérience, c'est pas tant le dispositif technologique, en tout cas moi, c'est pas ce qui me passionne, c'est la façon dont le cerveau s'adapte relativement rapidement à quelque chose qui n'est pas du tout naturel pour lui. Tout d'un coup, le champ de vision est à 360 degrés et les gens que vous avez équipés de ce dispositif s'habituent et apprennent à se déplacer dans l'espace avec ce nouveau sens. Oui, il y a une période d'adaptation, hein, mais les gens arrivent relativement rapidement, on n'a pas mesuré ça encore une fois, mais à se mettre à marcher en arrière pour passer un pas de porte, ou à serrer la main à quelqu'un qui est dans son dos sans se retourner, etc. Et c'est assez étonnant. Et ça m'évoque autre chose aussi, c'est le sentiment de vertige en réalité virtuelle. Qui là, si vous chaussez un casque de réalité virtuelle et si on vous met devant un précipice virtuel, alors que vous êtes en réalité sur le plancher des vaches, sur un sol parfaitement plat, si je vous demande de faire un pas et de marcher dans le vide virtuel, vous allez avoir beaucoup de mal à le faire. Et là, votre cerveau inhibe un petit peu, ou en tout cas, il n'a pas envie de commettre cette folie virtuelle d'aller vous jeter dans un vide alors qu'en fait, vous êtes dans votre salon. Ça montre à quel point vous arrivez à leurrer notre cerveau. Alors, vos expériences vont assez loin. Vous avez donné l'impression à des gens aussi qu'ils avaient un sixième doigt, qu'ils avaient une main avec six doigts. Alors, c'est des choses qui existent dans la nature. Il y a certains humains qui ont un sixième doigt. Mais là, sur des personnes qui avaient cinq doigts, vous leur mettez artificiellement en image virtuelle un sixième doigt. Et très vite, ils apprennent à s'en servir. Ouais, là, c'est vrai que c'est un sujet qui, moi, me passionne en ce moment. C'est le sujet de l'avatar, en référence au film, par exemple, de Cameron. Ouais. Donc, cette question liée aux avatars en réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on met un casque de réalité virtuelle, on regarde son corps, et en lieu et place de notre corps se trouve un corps virtuel, qui peut être fidèlement reproduit par rapport au nôtre, mais qui, dans certains cas, peut être très différent. On peut changer de musculature, d'embonpoint, on peut changer de couleur de peau, on peut même changer de sexe. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce qu'on va accepter ce corps virtuel? Est-ce qu'on va se comporter différemment selon notre corps virtuel? Et quand on enlève le casque, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Donc, c'est ces questions qui nous intéressent beaucoup. Et pour aller assez loin, en fait, sur cette question-là, on essaie de regarder jusqu'où on peut aller. Est-ce que si je vois un corps, et je suis dans un corps qui est anatomiquement, morphologiquement très différent du mien, je vais l'accepter ou je vais le rejeter. Ouais. Là, en l'occurrence, on accepte son sixième doigt assez naturellement, assez rapidement. Et à la fin, quand on retire ce sixième doigt, c'est là que c'est le plus intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. France Inter, du vent dans les synapses. Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut, vêtements ou équipements, armes à feu, simulateurs d'entraînement, tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne, tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Un extrait du film Matrix, Anatole L'Écuyer. Vous terminez votre ouvrage en disant que la question « jusqu'où peut-on aller ?» est une question que tous les journalistes vous posent et que vous refusez d'y répondre. Alors, je biaise un peu avec cet extrait de Matrix. Est-ce qu'on ne va pas finir comme les personnages de Matrix, tous reliés à des machines, évoluant dans un monde virtuel? Ça restera de la science-fiction ou on pourrait y arriver un jour? Alors, je pense qu'on en est très très loin. On est vraiment très très loin de cette capacité technologique-là. Par contre, c'est vrai que ce que je dis dans le livre, c'est que je pense qu'effectivement, les technologies qu'on développe, elles ont vocation à se mélanger, à s'hybrider et à donner des casques aujourd'hui hybrides qui vont combiner électrodes et affichage de réalité virtuelle pour, moi je pense, des applications qui sont très intéressantes dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la formation, de la création. Je pense qu'il y a plein de choses maintenant à utiliser ces technologies pour développer des applications formidables. Alors votre livre, Anatole L'Écuyer, est aussi l'occasion de découvrir un parcours. Vous vouliez faire de la bande dessinée étant plus jeune. Ça aurait été une autre façon de nous plonger dans des mondes imaginaires, la bande dessinée? Oui, et je continue à dessiner d'ailleurs. Ouais, il vous arrive encore de dessiner avec des vrais crayons sur du vrai papier? Ouais, c'est un vrai plaisir et je continue à revendiquer cette activité aussi imaginaire. Merci Anatole L'Écuyer. Je rappelle le titre de votre livre, Votre cerveau est un super-héros, aux éditions Humaine Science. Un grand merci à vous. Merci. Dans la deuxième heure, nous allons partir en Antarctique avec l'astrobiologiste et glaciologue Cyprien Verseux. L'an dernier, il a passé 9 mois dans la base scientifique de Concordia, au beau milieu du continent blanc. Avec une dizaine d'équipiers, il a dû affronter des températures de moins 80 degrés, supporter l'isolement, la promiscuité, et puis la nuit polaire, 3 mois sans voir le soleil. Il va nous raconter cette aventure humaine et scientifique. C'est pas perdu puisque tu m'aimes. Un peu moins fort, un peu quand même. suis ta solution sans problème, gadget évident. Mais toi maintenant, tu veux plus en jouer. La rediffusion de l'émission Du vent dans les synapses continue après les infos sur France Inter.